C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes de retour pour une heure d'émission de La vie comme elle va, une heure consacrée aux livres, à la lecture, en compagnie aujourd'hui de la seule et unique Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour Irène, bonjour tout le monde. Notre ami Jean-Pierre étant... grippé, ben oui. Donc il a préféré ne pas prendre de risque, le risque de nous contaminer. Et il reste bien sagement chez lui. D'ailleurs, on le salue et on lui bien souhaite sûr. De se rétablir rapidement. On et lui fait Dieu un gros merci. Bisou par téléphone. Bisous, bisous, bisous, par radio interposée, qu'est-ce voilà. que je raconte. On ne risque rien. Et donc, heureusement, nous avons avec nous notre JP. Ouais. Ce qu'il Bonjour en reste. Jean-Pierre. Ce qu'il en reste. Bonjour les filles. Voilà, on va essayer, on va assurer, vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors aujourd'hui, bah, comme habituellement, trois livres vont être présentés. Le premier, eh bien, c'est Eliane qui nous le présentera, c'est son livre du jour, c'est un recueil de nouvelles de Bernard Quirini, d'ailleurs le titre est assez un peu angoissant, non ? Tout à Histoire fait, tout assassine, à fait. Mais tu nous en diras plus d'ici quelques instants. Alors, notre ami Jean-Pierre aurait dû présenter son coup de cœur, La Belle de Mai, d'Edouard Brazet. Mais il a eu la bonne idée de m'envoyer ses notes, donc je pourrais en parler à sa place. Avec sa voix. Je serai son porte-voix, son porteur de parole. Pour notre plaisir, eh bien, Eliane, qui n'est jamais à court d'idées, est allée nous dégoter des homographes qui ne sont pas des homophones. Vous saurez Exactement. Tout sur les homographes d'ici la fin de l'émission. Et pour terminer, eh bien, c'est moi qui vous présenterai le polar, une fois n'est pas coutume. Il s'agit dans son silence d'Alex Michalide. Ou Michalides, je ne sais pas bien. Mais donc, pour commencer, je vous propose de nous plonger immédiatement dans ces histoires assassines qui ont retenu l'attention d'Eliane et qui lui ont garanti des nuits... Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Mais quand même, il y en a certaines... Waouh. Allez, raconte-nous tout sur ce recueil de nouvelles. Donc, ces histoires assassines... Mais c'est bien agréable à lire, même si certaines sont particulièrement atroces. Mais l'humour noir est quelque chose qui me plaît beaucoup. La première nouvelle s'appelle « Bleuir d'amour ». Et alors là, c'est vraiment extraordinaire. Depuis 6 mois, figure-toi, après avoir fait l'amour, les gens deviennent bleus. Problème, impossible de cacher que l'on vient de ce qu'on vient de faire. Puis ça se voit. Les occasions de rire ne manquent pas. Tout en argot fleuri, par exemple. Une fille facile. Une viande bleue. Des obsédés. Ils ont le sang bleu. Les puceaux timides. Une peur bleue. Et alors maintenant, on ne dit plus coucher, on dit bleuir. Mm-hmm. Alors t'imagines, à l'Assemblée nationale, quand il y en a deux ou trois qui sont bleus, c'est la rigolade assurée. Pourquoi que deux ou trois? Oui, parce que je ne sais pas si c'est vraiment leur truc. Ou alors peut-être en douce. Mais maintenant, avec ça, ils ne pourraient pas. Mm-hmm. Ils pourraient pas. Hein, il ne peut pas sortir de chez lui en disant à sa femme qu'il va, je sais pas, faire du sport et puis revenir tout bleu. C'est pas possible. Ah, c'est pas mal, remarque, hein, c'est pas mal. La deuxième nouvelle parle d'un critique littéraire qui a décidé d'assassiner un écrivain par jour pendant un mois. Alors, je vais vous lire un petit extrait. Vous allez voir que c'est pas piqué des vers. C'est pas une bonne idée, ça. Eh ben oui, mais là... Alors, le 18 de ce mois... Carl Jones, cas unique, sorti de nulle part. Il n'a pas 20 ans quand il publie L'étourdi, un roman comme on en lit un par décennie, devenu un classique. Tous les journalistes se sont alors posé la même question. Que fera-t-il après ce chef-d'œuvre? Ce sera moins bien, forcément. Il décevra. Alors je l'ai tué. John restera l'auteur d'un chef-d'œuvre unique, jamais déshonoré par d'autres livres moins réussis. Il me remercierait. Le 19, Ian Goodman. Son premier roman, il y a 5 ans, m'avait fait parier sur l'éclosion d'un talent. Mais il a abandonné la littérature pour gagner de l'argent dans le show business. Triomphant à Piccadilly avec des comédies musicales, furieux qu'il ait déjoué mon pronostic, je l'ai tué en chantant. Vous voyez, c'est un homme charmant. Donc il en tue 30, puisque c'était un mois de 30, n'est-ce pas? Ensuite... il y a des tournées en Amazonie. La première tournée se passe chez les Kamboulés. Ils font des trous, ils creusent, pas spécialement avec des pelles, hein, même avec des mains, avec leurs mains nues. Quand il n'y a plus de place, quand il n'y a plus que des trous, eh bien, ils changent de lieu. Mais pourquoi font-ils ça? Même pas pour enterrer leurs morts, puisque les morts, ils les brûlent. C'est une spécialité de ces traces. Les Kamboulés font des trous. Voilà. Original. Après une histoire affreuse qui se passe sur un bateau, un homme, peu à peu, perd son squelette. Et oui, il devient de plus en plus mou parce qu'il n'a plus rien qui soutient la chair. Enfin, celle-ci, elle est assez affreuse, il faut dire. Et puis, il y a les choses qui ont la parole. Alors là, comme humour noir, c'est réussi. Je vous en dis quelques-unes. Par exemple, la carafe. Le sommelier du restaurant ne devine pas que c'est moi, donc c'est la carafe qui parle, qui donne au vin leur goût de piquette. Il a vidé au lavabo 3 bouteilles hors de prix qu'il croyait passer. La dernière fois, ivre de rage, si j'ose dire, il a cassé la bouteille contre un mur et s'est coupé la main sur le tesson, qui est mon complice. Le congélateur est pas mal non plus. Le vendeur fait l'article. « Mais oui, madame, toutes sortes de viandes !» Et je devine dans l'œil de la cliente quel sort elle réserve au petit mari qui l'accompagne. Alors, il y en a qui est pas mal. La statue, non, je vais vous lire. L'horloge comtoise, pas mal celle-là. Il riait enfant quand sa grand-mère disait « Cette horloge t'annoncera l'heure de ta mort !» Il rira moins quand je basculerai pour l'écraser sous mon quintal, tandis que l'heure se gravera pour toujours dans sa rétine. Le papier peint n'est pas mal non plus. Dans cette maison, jadis a vécu un pingre qui, détestant les banquiers, conservait sa fortune dans des bas de laine cachés partout dans sa demeure. Il en avait sous les planchers, derrière les meubles, dans le grenier. Une fois, il a même tapissé les murs du salon de billets de banque, avant de les couvrir de papier peint. Ce pingre est mort depuis longtemps, mais les billets sont toujours là. Et moi par-dessus, il suffirait que je me décolle dans un coin pour qu'on m'arrache et que la famille très pauvre qui vit ici trouve l'argent et soit sauvée. Mais je tiens bon, et cette famille se félicite de n'avoir jamais dû refaire les murs dans cette pièce où, malgré le temps, les couleurs du papier sont intactes et resplendissantes. Les choses sont vraiment affreuses, ouais. affreuses. Alors, il y a aussi une nouvelle qui parle d'énormes papillons. Celui-là, il est un peu étrange et troublant. Mm-hmm. Celui aussi, la nouvelle qui parle d'un homme qui, lorsqu'il voit une belle femme, imagine qu'il fait plein de choses avec. Et toutes les femmes, il pense à toutes ces femmes, elles sont toutes enceintes. Alors, est-ce qu'il féconde les femmes rien que par son esprit? Ah ah! Ensuite, on retourne en Amazonie, chez les Tuponis. Alors, lui, eux, ils sont très, très bizarres. Leur vie recommence à zéro chaque matin. Oh, c'est bien, ça. Oui, donc ils ne se connaissent plus, ils se disent bonjour, mais ils échangent tout. Les femmes, les enfants, les chefs. Donc, les enfants, les femmes sont à tout le monde. Ça se passe très bien, mmh. Sauf que on ne peut pas avoir d'amitié, quoi, puisque le lendemain, bonjour, comment tu vas? Ben, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, bien sûr, la veille, mais on ne s'en souvient pas. C'est bizarre. C'est le principe de la maladie d'Alzheimer. Peut-être, mais alors mis sur une grande échelle. On fait toujours, tous les jours, des nouveaux copains. La pire histoire se passe dans une autre tribu, les Bamileke. En Amazonie, ils vivent dans les arbres, mais ils sont aveugles. Oh. Ben oui, parce que figurez-vous que à l'âge de 12 ans, eh bien, ils se crèvent les yeux. Ben oui. Et la cérémonie de ce spectacle, l'auteur en frémit encore. Là, celle-ci, elle est assez épouvantable. Mais c'est horrible. Surtout que, bien sûr, des fois, comme ils sautent d'arbre en arbre et qu'ils ne voient pas, ils tombent souvent. Alors, il y en a une autre tribu, ils s'appellent les Bécamus. Alors, eux, par contre, ils sont alors complètement morts de rire quand il y a un accouplement. Alors, eux, ils rient tout le temps. Ça les fait hurler de rire. Il y a une histoire qui est l'histoire sans tête, elle est pas mal non plus. On assiste à une exécution avec une guillotine. L'homme qui va être guillotiné est vraiment un épouvantable personnage qui a tué plein de gens, enfin bref. Mais quand on l'a guillotiné, figurez-vous, il était déjà mort. Je vous dis pas pourquoi. Il avait pourtant bien dit au directeur de la prison, « Tu ne me tueras pas, Ledru », il s'appelle Ledru cet homme-là. Et quand la tête est tombée dans le panier, Ledru a entendu comme une phrase qui lui disait « Tu ne me tueras pas, Ledru ». Parce que figurez-vous que cet affreux bonhomme, ben, il s'était déjà tué avant. Mais alors je ne vous dis pas comment, parce que cela c'est épouvantable. Enfin, c'est 21 petites histoires qui sont à rire, à frémir, à s'émerveiller. Certaines sont très belles. De quoi passer un très très très bon moment de lecture. Les histoires assassines de Bernard Quirini, recommandées par Eliane, dont vous connaissez le goût immodéré pour l'humour noir, ouais, et les choses horribles. Âme sensible, peut-être s'abstenir. Le mercredi, de 17h à 18h, sur Radio Arc-en-Ciel. I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and rock is so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Cooking wine in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go. Here we go. So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Metronome. Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooty-la-dee-do, yeah. Come on, here we go, yeah. Come on, here we go. So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out. Your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang. Let's go out with a bang. Here we go. Donc, le coup de cœur de cette semaine était celui de Jean-Pierre et il s'agissait de La Belle de Mai d'Édouard Brazé. Qui est Édouard Brazé? C'est un Marseillais. Il est né en 1954. Il a une bibliographie très dense, parmi laquelle on trouve plusieurs romans dits de terroir. La Belle de Mai s'inscrit dans ce genre. C'est en quelque sorte un roman de terroir, mais urbain. On aime ou on n'aime pas cette littérature. Jean-Pierre, lui, il aime. Il aime quand c'est bien écrit, quand ça évoque la vie passée, quand l'émotion est au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il a choisi, comme coup de cœur, La Belle de Mai. Qu'est-ce que c'est, La Belle de Mai? Qu'est-ce? Eh bien, La Belle de Mai, c'est un quartier de Marseille qui est situé à proximité de la gare Saint-Charles. La Belle de Mai a longtemps été le lieu de résidence des immigrés italiens qui y travaillaient. C'était un quartier essentiellement ouvrier au XIXe et au XXe siècle. L'origine du nom est controversée. Les uns prétendent qu'une enfant était élue Belle de Mai et installée sur une estrade printemps, lors de la fête des roses. Pour d'autres, une vigne poussait sur le terrain de plombière et portait le nom de Bella de Mai. C'était une vigne tardive, donnant ses grappes jusqu'en décembre. Un chemin de la Belle de Mai allait d'ailleurs de plombière jusqu'à la porte d'Aix, en passant par le cimetière Saint-Charles et par l'actuelle rue Belle de Mai. D'autres, enfin, s'en foutent. La Belle de Mai fait sa réputation l'été par ses vergers, ses guinguettes et ses bals populaires. Sa proximité avec le port de la Joliette, construit au début du XIXe siècle, incite les dockers à s'y installer, puis s'installent les usines de raffinement de sucre. En 1868, sur l'emplacement de l'ancienne raffinerie de sucre, est inaugurée la manufacture des tabacs. L'histoire de La Belle de Mai d'Édouard Brazé commence à l'Alcazar. Nous sommes en 1925, on s'éloigne peu à peu de la Grande Guerre et on n'imagine pas encore la prochaine. L'Alcazar, ou Alcazar lyrique, a en fait ouvert ses portes en 1857. La salle est grande, et sa programmation fait la part belle aux artistes locaux. Chaque soir, la cantatrice Rose Rossetti envoûte le public de l'Alcazar. Et nombreux sont les hommes qui tentent d'obtenir les faveurs de l'artiste, qui prend bientôt comme surnom le nom du quartier, Belle de Mai. Je ne vais pas vous le chanter, mais il était un roi de Tulé, qui jusqu'à la tombe fidèle eut en souvenir de sa belle une coupe en or ciselée. Rose Rossetti, la mezzo-soprano, a sublimé le Faust de Gounod et conquis, comme chaque soir, l'auditoire. Et puis, pour l'amour de sa dame, il but une dernière fois, la coupe trembla dans ses doigts et doucement il rendit l'âme. L'artiste a salué et la salle est en délire. Encore ce soir, ils seront 100 hommes à faire le siège de la loge de Rose pour la complimenter et plus si affinité. Un capitaine, quasi quinca, héros de la Grande Guerre, patriote exalté, rigide dans ses principes, est présent chaque soir de représentation. Il adresse régulièrement des roses à la chanteuse sans laisser de carte de visite. Il s'agit d'Edgar Loiseleur de Landvik, divorcé. Il va séduire la jeune femme, ou plutôt c'est elle qui va le séduire. Le héros de 14-18 et la diva vont se rencontrer, s'apprécier et se marier, en un mot, devenir bleu. Leur différence d'âge, d'éducation, ne sera un obstacle qu'aux yeux indécrottables de leur entourage. Bientôt, Rose est enceinte. Le capitaine est aux anges. Il va être père pour la seconde fois. Il a déjà un garçon de 20 ans de son premier mariage. Née une petite fille, Mélisande, elle-même personnage clé du roman. Tout va donc pour le mieux. Ah oui, mais il reste encore 2/3 du livre à lire. Alors Jean-Pierre sait les ironies qui méprisent ses ouvrages, préférant les livres qu'il faut avoir lus au risque de n'y rien comprendre. Mais prenez le temps d'apprécier, nous conseille-t-il, comme vous le feriez devant une peinture. Des lieux revivent, des mœurs également, et qui n'ont guère évolué sous le ripollinage de la modernité. Des personnages, des événements, des gens broyés, des opportunistes. Les petites gens ont une vie simple, et dès lors qu'un des leurs sort du rang, ils crient au loup. 10 ans après la dernière boucherie, 10 ans avant l'autre, dont la mécanique inéluctable est déjà enclenchée, la vie pourrait être belle sur le vieux port. Argent, la jalousie, la haine, la peur, l'amour. La guerre finira par arriver sur le vieux port quand les Allemands envahiront la zone sud. Il est loin le temps du roi de Thulé. Et donc, c'est toute seule que notre Rose Rossetti va élever sa fille Mélisande. Et le premier garçon de son mari, défunt mari, va faire sa réapparition. Il va tomber amoureux d'elle. Je le sens. Pour le savoir, il faut suivre le coup de cœur de Jean-Pierre et lire La Belle de Mai d'Edouard Brazé. J'en bafouille de joie. Je me demande quand même. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je me demande quand même. Comment sera la prochaine crise financière vu qu'il nous la prédisent pire que la dernière? Je me demande quand même. Sauver l'économie réelle de celle qu'on appelle les too big to fail. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord qu'on les démantèle? Je me demande quand même jusqu'où ira l'IA si on laisse les GAFA nous vendre dans un monde en big data sans aucun compte à rendre. Je me demande quand même combien de passeurs, combien de trafiquants d'État et de mafias s'enrichissent sur le dos des migrants. Je me demande quand même qui des pesticides, des OGM ou des perturbateurs endocriniens fera mourir nos politiciens. Je me demande quand même ce que ça peut bien vouloir dire d'estimer et d'intégrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB. Je me demande quand même de l'immonde ou de la connerie, qu'est-ce qui serait encore plus pourri que de faire une coupe du monde chez les Qataris. Je me demande quand même comme l'Occident se passera dans 30 ans quand on aura perdu autant de millions d'habitants. Je me demande quand, même si on sait qu'on va dépasser, c'est sûr, les 2 degrés ou 2 forces de la nature. Je me demande quand, même si on sait qu'on va dépasser, c'est sûr, les 2 degrés ou 2 forces de la nature. Je me demande quand même qui parle autant de la femme libérée pour le peu de femmes voilées face à combien de canons de beauté. Je me demande quand même est-ce qu'un jour on aura libéré Gaza en ayant fait respecter le droit international, une capitale pour 2 États. Je me demande quand même si le niveau de la réponse judiciaire est à la hauteur de la violence policière. Je me demande quand même égalité, fraternité, mixité et consentement à l'impôt. Je me demande quand même, entre ceux qui sont bien partout et ceux qui sont bien quelque part, à défaut de choisir mon camp, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%, comme nous sommes les 99%. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Alors, homographe ou homophone ? Eh oui, eh oui. La forme, mais pas le son. Plusieurs mots de la langue française s'écrivent exactement de la même façon. Ils sont donc homographes. Mais ce ne se prononce pas pareil. Ils sont donc homo. Ils ne sont pas homophones. Phone, le son. Mmh. Exemple. Le fils de famille et les fils du tissu. Mmh. Ils s'écrivent tous les deux pareil et ne se prononcent absolument pas pareil. Je vous donne des exemples. Allez-vous trouver ? Cours d'eau secondaire et arrive massivement. Ah ah ! Cherchez chez vous, cherchez. Eh bien, c'est affluent. Affluent pour le cours secondaire et afflux, UENT, pour arrive massivement. Carte haute et possède. Ça, c'est facile. Carte haute et... A. Voilà, as. C'est A, A-S. Oui, un as et A. Mm-hmm. Frapper et chien. Frapper et chien. Oui. Coup. Boxer et ah, boxer. Oui, oui, oui. Ah, j'aime bien celui-là. Dissimuler. Ou contrôlé par le rabbin. Caché. Oui, cachère. Cachère. avala, le verbe avaler est conjugué, et transport public. Bus. Bus. Bus et bus. Voilà, c'est ça. Replier le coin et coup de pied en coin. Cornet. Oui, corner et cornet, c'est ça. Dommage et appela. Dommage. Soupir. Hélas. Hélas. Et là. Ah oui, et là. Oui, et ça s'écrit exactement pareil. Hein. Mm-hmm. Je vous en donne un autre là. Réclame et barre. Pub et oui, pub. Oui, c'est bien. Reptile et coupe l'herbe. Coupe NT. Tondeuse. Non. Boa. Serpent. Serpe. Ah oui. spécialité espagnole et frappa. Paella. Tapas. Oui, tapas, c'est ça. Vous voyez, il y en a plein comme ça, c'est rigolo. Hein. Donc, ce sont des homographes, mais pas des homophones. Vous en voulez encore un petit ? Allez, pour la route. Alors, journaliste et décalé. Décalé. Journaliste, ça peut être un reporter. Eh bien. Et reporter. Eh bien, oui, voilà, oui, c'est d'accord. Ça, c'est ça. Et instruction religieuse et abrite des œufs. Alors, catéchisme. Abrite des œufs. Couve. Couvent. Ah, oui, d'accord. Narr, du verbe narrer au pluriel, mm-hmm. Et satisfait. Compte et content. Compte et content.

L'énigme restera entière. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Alicia Berenson avait 33 ans quand elle a tué son mari. Ils étaient mariés depuis 7 ans et tous les deux artistes. Alicia peignait et Gabriel s'était fait un nom dans la photographie de mode. Il avait un style caractéristique. Il photographiait des femmes à demi faméliques, à demi nues, sous des angles étranges et peu flatteurs. Depuis sa mort, ses clichés ont atteint des prix astronomiques. Pour être honnête, je les trouve assez superficiels. Ils n'ont rien de la profondeur viscérale, meilleure toile d'Alicia. Bien entendu, mes connaissances limitées en art ne me permettent pas de dire si l'œuvre d'Alicia Berenson passera l'épreuve du temps. Son talent sera toujours éclipsé par sa notoriété, alors il est difficile d'être objectif. Vous pourriez aussi m'accuser de partialité. Tout ce que j'ai à offrir, c'est mon opinion pour ce qu'elle vaut. Et à mes yeux, Alicia était une sorte de génie. Au-delà de la maîtrise technique, ses tableaux ont cet étrange pouvoir de frapper votre attention, de la capter, de la retenir, presque comme dans les mâchoires d'un étau. Gabriel Berenson a été assassiné il y a 6 ans. Il avait 44 ans. Les faits se sont produits le 25 août, par un été caniculaire. Peut-être vous en souvenez-vous, ce furent les températures les plus élevées jamais enregistrées. Le jour de sa mort a été le plus chaud de l'année. Le dernier matin de sa vie, Gabriel s'était levé tôt. Une voiture était venue le chercher à 5 heures devant la maison où il vivait avec Alicia, dans le nord-ouest de Londres, en bordure d'Hampstead Heath. Elle avait conduit à un shooting à Shoreditch. Il avait passé la journée à photographier des mannequins sur un toit pour Vogue. On en sait peu sur la journée d'Alicia. Elle allait bientôt exposer et elle avait pris du retard dans son travail. Il est probable qu'elle l'avait passé à peindre dans le pavillon au fond du jardin qu'elle avait récemment converti en atelier. Finalement, le shooting de Gabriel s'était prolongé et le chauffeur ne l'avait reconduit chez lui qu'à 23 heures. Une demi-heure plus tard, leur voisine Barbie Hellman entendait plusieurs coups de feu. Elle appelait la police. Une voiture du poste de Haverstock Hill était envoyée à 23h35. En un peu moins de 3 minutes, elle arrivait chez les Berenson. La porte d'entrée était ouverte, la maison plongée dans l'obscurité. Aucun interrupteur ne fonctionnait. Les agents de police traversèrent le couloir jusqu'au salon et inspectèrent la pièce munie de leur lampe torche. Ils découvrirent Alicia près de la cheminée, vêtue d'une robe d'un blanc presque spectral. Elle ne paraissait pas consciente de la présence de la police. Elle était pétrifiée, figée, une statue sculptée dans la glace, et une peur étrange se lisait sur son visage. Elle semblait affronter une menace invisible. Un pistolet gisait sur le sol. À côté, dans la pénombre, Gabriel était assis, immobile, les chevilles et les poignets ligotés à une chaise avec du fil de fer. Tout d'abord, les agents le crurent vivant. Sa tête reposait légèrement sur son épaule, comme s'il s'était évanoui. Le faisceau d'une lampe torche révéla ensuite qu'il avait été atteint à plusieurs reprises au visage. Ses traits élégants, jamais effacés, laissaient place à une bouillie carbonisée, noircie, sanguinolente. Le mur derrière lui était maculé de fragments de crâne, de cervelle, de cheveux et de sang. Du sang, il y en avait partout. Des projections sur les murs et des ruisselets sombres qui s'écoulaient le long des rainures du plancher. Les agents présumèrent qu'il s'agissait de celui de Gabriel. Mais il y en avait trop. Puis au pied d'Alicia, un couteau étincela. Un autre faisceau met en évidence les éclaboussures sur sa robe. Un agent lui saisit les bras et les leva pour les examiner. Elle présentait de profondes coupures au poignet, récentes, qui saignaient abondamment. Alicia résista aux tentatives de la secourir. Il fallut 3 policiers pour la maîtriser. Elle fut conduite au Royal Free Hospital, à quelques minutes de là. Pendant le trajet, elle s'écroula, puis s'évanouit. Elle avait perdu beaucoup de sang, mais elle survécut. Ainsi commence donc le livre d'Alex Michalides, ou Michalides, je ne sais pas comment se prononce ce nom, « Dans son silence ». Il s'agit donc de la vie d'Alicia Berenson, cette artiste peintre qui a tué son mari, et la raison de son geste demeure un mystère absolu. Arrêtée, Alicia ne prononce pas un mot pendant son interrogatoire. Elle ne répond à aucune des questions qui lui sont posées. Elle ne dit rien non plus quand elle est mise en examen pour le meurtre de son mari. Elle reste muette quand la police vient l'arrêter. En fait, Alicia ne parlera plus jamais. Elle restera muette. Sa seule déclaration, déclaration entre guillemets, sera un tableau qu'elle a peint à sa sortie d'hôpital alors qu'elle était assignée à résidence en attendant son procès. Elle a peint un étrange autoportrait qui semble exprimer toute la complexité de ses émotions. Je vous lis un extrait. Le tableau, un autoportrait, représente Alicia dans son atelier. Les jours qui ont suivi le meurtre, debout devant un chevalet et une toile, un pinceau à la main. Elle est nue. Son corps est peint sans complaisance. Longues mèches de cheveux roux tombant sur des épaules maigres et anguleuses, veines bleues visibles sous la peau diaphane, cicatrices récentes aux deux poignets. De la peinture rouge goutte du pinceau qu'elle tient entre ses doigts. Où est-ce du sang ? Alicia est en train de peindre, et pourtant la toile est vierge, et son visage inexpressif. Elle tourne la tête, nous fixe du regard, bouche ouverte, lèvres entrouvertes, muette. Et donc le galériste qui exposait les œuvres de Alicia Berenson décide de présenter ce tableau. Et donc les gens se pressent pour venir le voir parce que ce meurtre a fait la une des journaux. Et c'est ainsi qu'un médecin, Théo Faber, qui est psychothérapeute, c'est ainsi qu'il découvre ce tableau. Et il est fasciné par le mythe d'Alicia Berenson. Comme il ressent une profonde empathie pour elle, il ambitionne de l'aider, d'aider Alicia à se raconter, à guérir et à se remettre. Il veut la réparer. En fait, quelque chose dans l'histoire d'Alicia résonne en lui. Alors Alicia, comme elle est considérée atteinte de graves troubles psychiques, n'est pas emprisonnée, mais internée dans un service de médecine pénitentiaire sécurisé sous la surveillance du professeur Diomedes, qui est expert psychiatrique, et il était intervenu lors de son procès pour justement attirer l'attention sur les désordres psychologiques d'Alicia. Et donc, 6 ans plus tard, quand un poste de psychothérapeute se libère dans l'hôpital où est internée Alicia, Théo Faber postule et il est embauché. Commence alors une série de face-à-face assez glaçants. Théo essaie de mettre tout en œuvre pour extirper une parole d'Alicia. Mais Alicia se tait. Donc au-delà de ces entretiens, qui en fait sont des monologues, Théo Faber, pour essayer de comprendre la jeune femme, va rencontrer les différentes personnes de sa famille et de son entourage. Il va essayer de reconstituer sa vie avant le meurtre, et il va même remonter jusqu'à son enfance, parce qu'en fait, il sent que cette histoire a une origine très très ancienne. Et donc, assez vite, on comprend que les deux parcours, celui d'Alicia et celui de Théo, entrent en résonance. Alors, si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, vous n'avez pas le choix. Il faut absolument lire « Dans son silence », le polar d'Alex Michalides. J'avoue que j'ai beaucoup aimé. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. En sommet de fou message, j'ai un rendez-vous dans l'air. Inattendu éclair, déjà je bats à ta découverte. Ville bonne et offerte, c'est l'attrait du danger qui nous mène à ce lieu. Cet instant que je cherche et approche, je sens que c'est toi. Ce moment se déroule sur la métropole Festival. Donc, il s'agit donc d'un événement organisé par 11 communes de la métropole orléanaise et qui célèbre les femmes engagées. Alors, il y a toutes sortes de spectacles, d'expositions, de films, de débats. En tout cas, une programmation très riche. Alors, je peux attirer votre attention sur différents spectacles qui, sauf contre-ordre de dernière, contre-ordre de dernière minute, à cause d'un certain virus dont on nous parle beaucoup. Vous avez 5 spectacles cette semaine. Jeudi 12 mars, c'est à Ingré, à l'espace culturel Lionel Boutrouche, qu'il faudra être pour un pot-pourri proposé par l'humoriste Constance. C'est donc à 20h30 demain. Et puis, vendredi 13, alors là, vous avez le choix. Pas moins de 4 spectacles sont proposés. À Fleury-les-Aubrais, c'est le syndrome du Playmobil par Élodie Pou. Mais c'est plein, c'est plein. J'ai cru comprendre que c'était complet. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas réservé vos places, vous rendre à la chapelle Saint-Mémin pour une pièce de théâtre proposée par la Compagnie du Hasard, intitulée « La cave ». La pièce explore les sentiments, les émotions et les douleurs d'une femme amoureuse d'un homme violent. Tiens, tiens. Et donc, ce spectacle pousse le spectateur à s'interroger sur sa propre violence. Donc, vendredi 13, 20h30, à la chapelle Saint-Mémin, à l'espace Bérère. Mais si vous préférez rester à Orléans, allez à la Maison des Arts et de la Musique, toujours pour du théâtre, avec Bleu, présenté par la compagnie Serre Chaude. Bleuenne est bouchère. Bleuenne est une femme. Bleuenne aime son métier comme elle aime les animaux. Et puisqu'elle a choisi un métier d'homme, Bleuenne va tordre le cou au patriarcat, s'emparer de rituels multiples pour mieux penser ses paradoxes et faire de son artisanat un chant d'amour autant qu'un cri primitif. Et enfin, si vous le théâtre ou l'humour, c'est pas votre truc, eh bien, ce même vendredi 13, c'est la chanson pop qui aura votre préférence, avec Pomme, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à la Maison de la Musique et de la Danse. C'est à 20h30. Et donc, Pomme, en cavale entre la France et le Québec, continue de mûrir en pérégrinant entre folk et chansons françaises. Voilà, pour l'essentiel des spectacles à voir cette semaine. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'est terrible, il y a toujours un moment où il faut se séparer, se quitter. Mais c'est pour mieux se retrouver et se revoir la semaine prochaine avec, nous l'espérons, un Jean-Pierre en pleine forme qui viendra compléter la joyeuse équipe de La Vie comme elle va. Donc, nous vous souhaitons une bonne semaine, de très bonnes lectures, de bons spectacles. Et donc, on se retrouve mercredi prochain, même heure, musique, même endroit. Les musiques. Ah, j'ai oublié les musiques. Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu as oublié de dire... J'ai oublié les musiques. Bon, Irène, on a eu un petit groupe québécois qui s'appelle AJR. Et puis, on a eu des petits Français, Volo, des frères, je me demande, La Dérive, Nos Belles Heures, et un petit morceau de Dao que j'ai sorti. Exprès pour plaisir. Eliane. Exprès pour Eliane, j'ai vu que ça lui plaisait bien. Voilà. Très bien, merci Jean-Pierre pour la programmation musicale qui est toujours d'excellente qualité et nous fait découvrir des choses venant d'outre-Atlantique. Et fraîche, la plupart du temps. Voilà, allez, on se quitte, mais pour mieux se retrouver la semaine prochaine, et je passe le relais à Violette pour traditionnel. Au revoir. Bye bye. Salut.